regarde au fond, des rêves à tes ennuis, dirigé, guide chaque pas, c'est ça, la vie, la nuit, tu craques, hey.